Chapitre 296, l'interdiction de porter de faux cheveux, de se tatouer et de se limer les dents. Washr. Allah Ta'ala dit, ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah l'a, le diable, maudit, et celui-ci a dit, certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Sourate 4, versets 117 à 119. 1642. D'après Asma, radiyallahu anha, une femme interrogea le prophète, alayhi salatu wassalam, en disant, « Ô messager d'Allah, ma fille a été touchée par la rougeole, ce qui a fait tomber ses cheveux. Or, je l'ai donnée en mariage. Est-ce que je peux lui mettre de faux cheveux ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit, « Allah maudit celle qui applique de faux cheveux et celle à qui on les applique. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, celle qui s'applique de faux cheveux et celle qui demande qu'on les lui applique. Aisha radiallahu anha rapporte un hadith similaire. 1643. Humayd ibn Abdi Rahman rapporte avoir entendu Muawiyah radiallahu anhu dire l'année de son pèlerinage du haut de sa chair alors qu'il tenait à la main une touffe de cheveux que lui avait tendu un garde. « Ô gens de Médine, où sont vos savants ? J'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, interdire ceci, les faux cheveux, en disant « Les tribus d'Israël ne furent perdues que lorsque leurs femmes portèrent de tels cheveux. » Al-Bukhari et Muslim. 1644. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit la femme qui applique de faux cheveux et celle qui demande qu'on les lui applique, ainsi que la femme qui tatoue et celle qui se fait tatouer. Al-Bukhari et Muslim. 1645. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit « Allah maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer. Celles qui se font épiler les sourcils et le visage, celles qui espacent leurs dents pour s'embellir ou celles qui se les liment, et celle qui modifie la création d'Allah. » Une femme lui en fit reproche, il répondit, « Pourquoi ne maudirais-je pas celle que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudite, alors que dans son livre, Allah Ta'ala dit, « Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Sourate 59, verset 7. Al-Bukhari et Muslim. 1645.